Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous regardez le podcast qui transpire le catch où ici toutes les semaines on analyse et on résume Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Et pour m'accompagner, si on a bien fait le lancement, tout bien comme il faut, Oui. Hank, comment vas-tu, Hank? Ça va, tranquille. Je me suis juste rendu compte un peu tard du micro, mais ça va, on t'entend bien quand même. Donc voilà, bienvenue dans le supplément SmackDown. Le supplément SmackDown. Non, Voilà. mais oui. On a essayé de changer d'équipe, c'est trop tard. Daniel Bryan est revenu. On veut plus être à Raw maintenant, c'est fini. C'est vrai, c'est vrai. On est là pour parler de ce satané Monday Night Raw du 19 mars 2018 qui était à Dallas, Texas. Mais effectivement, moi, ce que je veux savoir en premier, Hank, ton avis sur le retour de Daniel Bryan. Une bonne chose, une mauvaise Je, chose? Tu oui, étais à oui, je suis quel point de quoi. sa Ah, santé? c'est tellement controversé. Mais que veux-tu? En plus, moi, je fais partie de ces bourgeois qui vont à WrestleMania. Donc, je sais pas, je peux pas dire autre chose que c'est la cerise sur le bateau. Non mais oui, c'est fantastique. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est de le voir dans la première séquence de comment pas la première séquence que je dis, la dernière séquence de SmackDown cette semaine. Je ne vous dis rien, mais il est en forme. Il est en forme. Carrément, carrément. On se demandait s'il allait avoir un moveset un peu réduit. Est-ce qu'il allait se tenir à carreau? Ben, je crois que c'est mal parti, hein, puisque Ah oui, c'est en forme. Vous aurez les explications non. dans le SmackDown, dans le supplément Profitez qui bien, arrive. ça va peut-être durer qu'un an. Ouais. Peut-être un retour rapide. Non, non, ne vous inquiétez pas pour Daniel Bryan. Il va bien mieux que certains du roster. Bon, faut qu'on parle de Monday Night Raw alors, quand Ah même. bah Donc, on est obligé, même si tout le monde s'en fout. Non, voilà. Hein. j'ai Programme, il y a plein de choses, Roman Reigns, tout ça, Non, mais mais non, ça il se n'a passe pas. des choses, il se passe des choses. Je suis encore heureux, on est à 3 semaines de Mania. Ouais. D'ailleurs, alors, on commence tout simplement par Kurt Angle, un peu comme la semaine dernière, qui débarque au ring, qui nous explique que Roman Reigns est toujours suspendu, hein, puisque la semaine dernière, il a un peu essayé d'attaquer le patron. Donc, ça ne se fait pas. Donc, du coup, on se fait suspendre pendant quelques temps. Brock Lesnar sera là ce soir, même s'il n'est pas encore arrivé, hein, nous annonce Kurt Angle. Et surtout, ce soir, il veut nous parler des tag teams et du cas Braun Strowman, hein, parce qu'on sait que la semaine dernière, Braun Strowman a remporté la bataille royale pour se qualifier pour être l'aspirant numéro un. Au titre tactique, mais tout seul, hein, donc il lui faudra un partenaire. Que se passera-t-il? Ben, on n'aura pas la réponse tout de suite, puisque notre ami Roman Reigns débarque. Non, Non, sans sa non, musique. sa musique depuis le public, parce que normalement il n'est pas censé être là. Donc Kurt Angle lui rappelle que effectivement ben, il a pas le droit d'être là, mais Roman Reigns lui explique qu'il s'en fout. Bon, on a les explications d'Angle, hein, qui nous dit que voilà, effectivement, ça se fait pas de taper le patron, etc. Mais ben, il en a rien à foutre, hein, Roman Reigns, et il a décidé d'assiéger Raw, sort sa chaise, il se met au milieu du ring, à la manière d'un catcheur quand il vient de faire son retour. Voilà, on envoie les marshals. Hein, on envoie la police pour sortir Roman Reigns. Hein, ça se passe pas comme ça avec Roman Reigns. On va pas le laisser au milieu du ring. On le menotte carrément. Mais alors pour le sortir, on est obligé un peu de le tenir et ça, il n'aime pas trop Roman Reigns. Hein, il dit plusieurs fois aux policiers de ne pas le toucher. Mais les policiers, on les connaît. Hein, c'est un peu des fachos. Hein, donc ils se gênent pas pour Direct. violenter ce bon vieux Roman Reigns. Je salue tous les policiers qui nous Ce écoutent. bon vieux, comment ils appellent Voilà. ça? Racial profiling. Ils visent les Samoans. Voilà, c'est ça, délit de sale gueule. Du coup, bah, bagarre, hein, même Roman Reigns avec les menottes, il arrive à défoncer trois US Marshals qui ressemblent quand même à des catcheurs locaux ou du centre d'entraînement, hein, mais Oh, bon. ils ont une bonne carrure quand même, c'est pas des. Des moments, ils nous ramènent des mecs de la sécu, ils ressemblent à James Ellsworth, enfin. Mais là, ça C'est va. pas, des arbitres maquillés. Bon, ça, c'est normalement, c'est un peu un crime, mais bon, c'est pas grave, c'est du catch. Roman Reigns passe à tabac toute la police locale. Et une fois qu'il a fini de tabasser tout le monde, Brock Lesnar débarque. Mais Roman Reigns, il a toujours ses menottes. C'est mal barré pour Roman Reigns qui se fait démonter, il se fait détruire par le Brock Lesnar hein, qui est venu accompagné de Paul Heyman. On a des chants You Deserve It qui sont lancés par la foule, qui sont un peu mis en sourdine. C'est marrant, j'ai lu ça après, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte au moment où j'ai regardé le truc. Ouais. Ouais, Bon, bah écoute. il faut avoir le bon son. Il a une chance sur deux, hein. Roman C'est Reigns, ça. il y a des soirs où le public est pas trop méchant, puis sinon il tombe sur la mauvaise Ouais. ville et bam. Brock Lesnar se fait huer quand même un petit peu, hein, faut pas croire. Bon, high-five hein, avec les menottes, tout le bordel. On évacue Roman Reigns en civière, hein, parce qu'après s'être fait tabasser par Brock Lesnar, quand on est menotté, ben, ça laisse des traces. Mais Brock Lesnar, tel le premier Braun Strowman venu, revient à l'assaut et il fait tomber Roman de sa civière. S'il l'avait ramené en civière, hein, il était en train de le ramener en civière. Ouais. Et après la pub, Roman Reigns est évacué en ambulance. Alors Brock Lesnar, il était assez hué au début. Quand il est retourné pour la quatrième fois, là, les gens ont commencé à popper quand même. Mais bon. Alors, Hank, toi qui t'en fous, hein, comme Roman Reigns, parce que tu vas aussi aller à WrestleMania quoi qu'il arrive, Et est-ce que tu as été convaincu je par comme le John beau Roman? Cena, moi, je cherche ma route, mais je l'ai déjà. C'était un segment très très long. Et juste pendant que je donne ma réaction, est-ce que tu peux juste regarder sous Skype ton audio si t'es bien sur ton casque? Un segment que j'ai trouvé quand même sacrément long pour ce qu'il voulait faire. Le début, j'ai trouvé ça plutôt marrant. On le voit à 100 km venir, hein, le truc de l'arrestation et puis de Roman Reigns qui se débat et tout ça. Enfin, j'ai bien aimé cette séquence. J'ai trouvé Reigns, il foutait des sacrés coups de coude au mec. Hein, limite, vu qu'il va pas les revoir, il peut se permettre. Donc c'était plutôt sympathique. Bon, après, il y a plein de choses qu'on peut discuter sur cette séquence, parce qu'il y a plein de choses qui sont complètement absurdes. Genre, par exemple, Roman Reigns, il est suspendu, mais il a un micro. Il arrive, il a un micro dans la main. Oui, il l'a trouvé, le micro. À tabasser un ingénieur du son, hein. Il Voilà. passe après. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre d'incohérent? Bah, il le menotte par l'avant. Les gars, quand les flics, même les flics normaux, quand ils menottent à l'arrière. Ils menottent pas les mecs par l'avant comme ça, justement pour éviter qu'ils se débattent, enfin qu'ils puissent prendre quelqu'un, je sais pas, l'étrangler et tout ça. Donc voilà, il y avait ça qui était débile. Bref, plein de trucs débiles. C'est une séquence un peu débile, mais j'ai trouvé ça sympathique jusqu'au passage avec. Où Lesnar part et après il revient et après il repart et après il revient et après il repart et ça c'est genre long quoi. C'était pas vraiment le bon rythme, mais justement tu vois ce que la remarque que tu fais sur le fait que au début le public est plutôt enfin. Je vais pas dire en colère contre Lesnar, mais bon, ça va, il demande pas, le public appelle pas à ce que Reigns se fasse massacrer, quoi, au début. Finalement, en fait, ça continue, et donc, du coup, ça devient plus du spectacle qu'autre chose. Voilà, et puis la civière qui arrive directement pour Reigns, c'est un peu too much, quand même. Enfin, donc voilà, la fin du segment est vraiment mal faite, le segment est trop long. Mais le début, je trouvais ça plutôt fun. Donc voilà, rien de. Après, ça va énerver encore plus tous les mecs qui s'énervent chaque semaine sur Twitter en disant: Ah mon Dieu, c'est trop évident qu'ils veulent que Reigns il soit aimé par le public, qu'il se fait massacrer. Oui, bah oui, ça se passe comme ça. C'est mieux que ce qu'ils faisaient avant, qui était juste Reigns gagne tout le temps et point barre. Donc voilà, moi ça me va à peu près. Est-ce que c'est le truc que j'attends le plus à WrestleMania? Non. Mais voilà. Bah, il y a de la concurrence hein, Voilà, ouais, sur non, la mais là carte. quand on voit la carte de Mania aussi, c'est difficile et surtout avec le retour de Brian, il va falloir bien positionner les deux matchs, le match de Brian et le match de Reigns pour qu'on n'ait pas un public, je sais, un public patibulaire. C'est ça, ouais. Est-ce que le retour de Daniel Bryan va relancer un petit peu la popularité de Roman Reigns, du coup? Bonne question. Non, Je je dirais sais le contraire, pas. moi. Je dirais plutôt le contraire. Bah, je pense qu'il y a une frustration chez les gens de ne pas avoir vu Bryan pendant longtemps qui fait que ça s'est reporté un petit peu sur Roman Reigns, je pense. Ouais, mais Je pense après, que ça serait une histoire à raconter. Ça serait une histoire à raconter, comme quoi Reigns a volé le spot de Bryan pendant, enfin, plusieurs fois. Et donc du coup que mais après enfin ce serait difficile parce que du coup ça voudrait dire que Brian il a de l'aigreur et tout ça donc ça va pas bien avec son personnage. Je sais pas comment il pourrait le formuler mais oui il y a peut-être une histoire entre les deux. Par contre le retour de Brian ça a rien de positif pour Reigns pour moi pour l'instant hein. C'est justement sur la carte de Mania ça va nuire le plus gros Attention, parce que tu en garderas. c'est Par censé être exemple, le plus gros ouais. vas-y, je t'en Non, prie. non, mais juste, Roman Reigns, c'est censé être le plus gros babyface de la compagnie. C'est pas le plus gros babyface, le plus gros babyface de la compagnie. Avant que Bryan arrive, c'était Braun Strowman et Rusev. Mais n'empêche qu'il le présente comme ça. Roman Reigns est censé être la top star babyface à Raw. Et même la top star en général. Mais donc, du coup, l'arrivée de Bryan. Oui, ça peut être. Comment? Ça peut être difficile. En fait, c'est plus difficile d'essayer de mettre en valeur Reigns et que le public commence à aimer Reigns si direct on nous ramène Daniel Bryan. Et du coup, on nous ramène le souvenir de Reigns qui remplace. Enfin, qui du coup sabote les espoirs de Bryan et tout ça. Donc, ouais. Ce que je voulais souligner, c'est qu'à SmackDown, avec le retour de Daniel Bryan, on sent que bah, ça apporte du bonheur aux gens un petit peu, et du coup, les gens jouent le jeu du show. Il y a pas eu de gens qui se sont amusés à hacker à SmackDown. Certaines parties du show qui étaient bah, largement moins intéressantes, hein, les passages avec Jinder Mahal et des trucs comme ça. Les Ouais. gens ont hué les méchants, ils ont popé pour les gentils. Tu sens que ça a débloqué quelque chose quand même au niveau du public. Alors, je sais pas si ça se ressentira aussi après Monday Night Raw. Je pense que ça se sentira pas mal à WrestleMania s'il y a Bryan qui est sur la carte. Je pense que c'est bien parti pour, hein. Je vois mal comment ils vont faire autrement. Mais ça donne une nouvelle ambiance, un renouveau, je trouve, dans le public qui j'espère qu'il va se concrétiser dans les. Et se renouveler dans les semaines qui viennent, parce que ça fait plaisir de voir comme ça des publics qui jouent le jeu, plutôt que des petits publics qui sont assez mous, comme on a eu le cas ce soir. Après, rapidement, sur Roman Reigns, moi j'ai quand même un problème avec sa façon de jouer, son acting. Il est toujours aussi fadasse, je trouve. C'est un peu le moment pour lui de monter le game, et je trouve qu'il n'en est pas capable. J'étais assez déçu moi par cette séquence et notamment aussi par la semaine dernière ce qui s'était passé, sa confrontation avec Vince McMahon, son attitude de Kyra là qui dégage quand il vient voir Vince, je trouve que ça fonctionne pas, on n'a pas envie d'être de son côté. Justement, je trouvais qu'il n'était pas assez agressif, moi, c'était le contraire. C'est-à-dire Ah, il était voilà, il est à que la fois fadasse et quand il joue l'agressivité, il joue une agressivité qu'on n'a pas vraiment envie de voir à l'écran. Il n'a pas le côté cartoony que pouvait avoir Steve Austin ou The Rock dans le style Bigger Van Life, quoi. Il est vachement terre à terre. C'est vachement le genre de personne qu'on pourrait voir dans la rue. C'est pas le cas de mecs comme Steve Austin, comme les grandes top Ouais. stars, même comme John Cena. Tu croises pas un mec qui a l'attitude de John Cena dans la rue, quoi. Alors qu'un Ouais. mec fadasse comme Roman Reigns, bah, tu peux en croiser pas mal. Si tu t'amuses à sortir, je trouve, il a rien de Bigger Van Life, quoi. Roman Reigns, c'est le moment de sortir le grand jeu et Ouais. j'ai l'impression qu'il n'y aura pas. Mais le truc, c'est que de toute façon, il faut qu'ils assument. S'ils veulent continuer là-dessus, sur le fait que bah, c'est un babyface, mais qui la ramène souvent, enfin qui la ramène, qui pense qu'il a toujours raison, etc. Mais laissez-le être un, pour le coup, être un connard, mais être un connard assumé, quoi. C'est-à-dire que en fait, le truc, c'est que Roman Reigns, c'est un connard non assumé, quoi. C'est-à-dire que un jour, c'est un connard, la semaine d'après, c'est le mec, genre, hey, vous voyez le public, moi, j'ai la même opinion que vous, hein. Vous voyez, je me mets à votre place, etc. Et c'est trop. Voilà, et c'est aussi un tic qu'il faut qu'ils arrêtent du, enfin une, je sais pas quoi, une comment, une mécanique qu'il faut qu'ils arrêtent d'utiliser à WWE, c'est l'appel au public, quoi. C'est genre dire, hey, et vous, le public, si il se passait ça chez vous, non, non, le public, il doit s'attacher à toi, sur ton histoire, à toi. Pas dire oui, vous êtes d'accord avec moi? Non, non, c'est pas comme ça que tu construis un mec qui est bigger than life, justement. Parce que si il s'adresse au public et s'il dit oui, moi je suis comme vous, je suis un, comment, un col bleu, je travaille tous les jours, blablabla. Enfin, moi ça me fait pas rêver, le petit artisan du catch. Hein. c'est pas ça qui me fait rêver. Donc oui, c'est sûr que là-dessus il y a un problème. Peut-être aussi le fait que je sois assez gentil avec ce segment et en général avec cette rivalité, c'est que j'en attends rien du tout, quoi. Enfin, j'en attends rien. Le match, il peut être sympa, mais la rivalité en elle-même, on sent que Reigns, il aimerait faire quelque chose, mais il a pas les couilles pour. Enfin, en clair, il a les couilles seulement les semaines, que les semaines où on l'autorise, les semaines où on lui dit bon, mec, t'y vas à fond, tu peux peut-être rajouter un truc ou deux. Hein, il l'a fait d'ailleurs, je sais plus si c'était la semaine d'avant ou encore la semaine d'avant, mais apparemment il y avait deux petites phrases qu'il a sorties qui n'étaient pas prévues dans la promo. Mais il y a les Ah, semaines mais où on lui donne carte c'est blanche et gentillet. ouais voilà, il y a les semaines où on lui donne carte blanche et il y a les semaines où là, par exemple cette semaine, c'est genre pas du tout carte blanche, tu vois que il récite son texte et c'est très téléphoné. Après, j'ai déjà dit, je le redis, mais dans la position qu'il a, c'est à lui de prendre les devants. Hein. Oui, Si, mais s'il n'est oui. pas capable de comprendre que c'est à lui de se lâcher, même si on lui a dit, tu dis le texte et tu dis rien de plus, à un moment donné, il faut qu'il sache se mettre en avant. Et je pense clairement qu'il n'a pas, là, à l'heure actuelle, avec ce qu'il a sorti là, je pense qu'il n'a pas, il n'a pas les capacités C'est pour qu'il a aller. la. Ça fait combien? Ça fait 2 ans au moins qu'il a vraiment le statut, du moins, même s'il n'en a pas le charisme, etc. Il a le statut de top star de la WWE. Donc, il faut qu'à un moment, ils se disent, bon, bah, je suis une top star de la WWE, bah, je vais essayer, je vais quand même, quand je trouve un segment fadasse, dire, bah, j'aimerais mieux que ça soit tourné comme ça, etc. C'est pas tant l'histoire qui est mauvaise, hein. C'est juste, c'est tout le. Ah bon, il y a un gros problème de sa delivery, hein. Ouais, C'est voilà. son acting qui est mauvais comme tout, hein. C'est peut-être d'un côté la mise en scène et de l'autre côté la mise en scène qui est vraiment genre, là la séquence avec Lesnar, c'est tellement évident que genre s'il vous plaît ayez pitié pour Roman Reigns, c'est vraiment tellement accentué que pour le coup ça va ça marche pas dans ce sens-là, donc voilà. C'était un peu plus entre guillemets dans la nuance avant et là mais moi j'avais dit hein, j'aurais préféré que Reigns soit pas là jusqu'à Mania, mais bon bref. Alors, on ne peut pas se permettre de disparaître comme ça des huit clics, visiblement. Mais bon, on a passé un peu beaucoup de temps sur cette première séquence. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, je suis tiédasse, hein, sur cette Ouais. rivalité qui est en train de se faire manger Ce par le sera reste pas de le la main carte. event de Mania, hein. C'est pas possible. Ouais, je Non, pense non, ce qu'il sera pas en devrait, dernier à Mania, hein. effectivement, il devrait plutôt. Il y a d'autres choses à faire en main event. Maintenant, j'ai aucun doute sur la qualité du match. Hein. Je suis sûr que ce sera très bien. Dehors toute la Ouais. carte de Mania, à mon avis, le show va être exceptionnel. C'est plus les dernières semaines là qui m'inquiètent un petit peu. Alexa Bliss, Ah. accompagnée de Mickey Hot As Fuck James et bah mon blab, je perds mes mots. Ils vont affronter Asuka. Enfin, c'est Alexa Bliss qui va affronter Asuka, pardon. Donc Alexa Bliss prend le micro avant le match. Elle fait mine de s'excuser pour ses propos de la semaine dernière, hein, puisqu'elle a été méchante avec Nia Jax. tout avait été entendu à l'antenne, donc Diane Jacks voulait lui casser la gueule. Donc comme d'habitude, elle fait signe, fait mine d'être triste, pardon, mais au final, elle finit par déballer encore plus de saloperies. Elle nous explique qu'elle a utilisé Nia Jax, qu'elle est finalement elle a savouré chaque seconde de la trahison qu'elle a effectuée envers la cousine du rock là. Elle s'est débarrassée d'un énorme poids et maintenant elle va mettre fin à la streak d'Asuka. Bon, évidemment, non, hein, c'est une victoire d'Asuka, enfin, du moins, pas tout à fait, je crois qu'elle se fait. C'est Non, la Alexa Bliss se fait. disqualification. Voilà. Alexa Bliss se fait disqualifier à l'extérieur après avoir subi une sévère clé de cheville. Et évidemment, Nia Jax débarque, elle explose Mickie James, elle poursuit Alexa Bliss dans le public. Et ça se termina avec Alexa Bliss en fuite. Alors, Hank. Toi qui as l'habitude de trahir tes amis, est-ce que tu as apprécié la prestation d'Alexia et compagnie cette semaine? Wow! Wow! Je fais transition que je peux, hein. Putain! Eh ben dis donc! Grosse ambiance! Grosse ambiance, les ketchup! Bon, allez! Donc, oui, le segment. Alexa Bliss! Qui est faible, qui est faible. C'était très. Non, mais on va encore parler de téléphone, comme dirait Lady Gaga. Donc, du coup, c'était très téléphoné encore parce que c'était Alexa Bliss qui nous fait encore cette promo où elle fait semblant d'être babyface pendant 1 minute. Elle dit je suis désolé, et puis à la fin, je suis désolé de pas l'avoir fait plus tôt. Après, j'ai l'impression que juste après, elle ferait genre nique, nique, nique, nique tout le monde. Donc voilà, c'était correct. Est-ce qu'on peut rajouter quand même le segment d'après avec Kurt Angle? Juste Kurt pour parler Angle de au ça. téléphone. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu au téléphone Kurt Ouais. Angle. Alexa Bliss débarque. Elle demande que Nia Jax soit arrêtée. Mais au plus bas, comme un peu comme Roman Reigns cette Tout le semaine. monde est arrêté. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, au final, elle gagne un match contre Nia Jax à WrestleMania. Hein. Kurt Angle lui dit, tiens, non, je vais pas l'arrêter. Ce que je vais faire plutôt, comme tu l'avais proposé, c'est de lui donner le match. Hein. Tu avais dit qu'il méritait un match à Mania. Donc voilà, on aura Alexa Bliss contre Nia Jax. Voilà. Super. Quand je t'ai entendu, elle gagne le match à WrestleMania, j'ai cru que tu faisais du fantasy booking. Ah non, non. Tant mieux pour Nia Jax. Ça va être le. Voilà, ça va être le match. Je vais pas dire. Elles peuvent faire un truc bien. Elles peuvent faire un truc bien, mais ça peut être aussi une pause pipi. C'est un des deux. Alors moi je vous l'annonce, ce sera un squash. Elle va se faire sécher en une seconde à mon avis, Alexa Bliss. Ah bon? Façon Sheamus contre Daniel Bryan ou Kane Chavo Guerrero. Ce serait une bonne idée en tout cas. Ce serait une bonne idée. Parce que. Ouais, je les vois mal faire un match vraiment excellent toutes les deux. Le peu de fois où je les ai vus l'une contre l'autre, c'était sympathique, mais ça c'était pas foufou. Donc voilà. Bon, et tant mieux donc du coup pour Nia Jax qui se retrouve dans la carte. Le seul truc. Mais on va en parler après des autres filles. Mais voilà, j'ai un avis sur les autres filles. Mais bon, voilà, tant mieux. Ça m'excite pas plus que ça, mais je suis content pour elle, entre guillemets. Donc voilà. Ouais. Ce qui est, après, c'est un peu dommage de dire ça du match pour la ceinture féminine à WrestleMania, quoi. C'est le fait qu'on en est arrivé là, mais bon, ils sont partis sur leur Bayley Sacha de l'autre côté, donc après, il reste plus personne, quoi. C'est ça. Pour C'est ça, affronter. c'est ça. C'est pas le match le plus prestigieux, on va dire, de Mania. Ouais. Bon, c'est mieux que de faire chialer Nia Jax comme ils l'ont fait les semaines dernières. Moi, j'ai détesté ça. Voilà, une petite course-poursuite dans les gradins, c'est bien mieux. Voilà, bon, on va peut-être passer à Sasha Banks et Bayley qui ce soir affrontaient Sonia Deville et Mandy Rose qui étaient avec son accompagné Paige hein, comme chaque semaine hein, pour la fameux clan Absolution. Donc, avant que le match commence, on a une petite explication au micro entre Sacha Banks et Bayley. Hein. On s'explique un peu sur les raisons des trahisons d'un côté comme de l'autre. Tout ça sous les watch chants, hein, le public n'en a un peu rien à faire de toute cette histoire. Tout ça est interrompu heureusement par The Absolution qui débarque. Sacha et Bayley perdent le match suite à un désaccord, hein, parce qu'elles se sont un petit peu engueulées pendant le match. Alors, Hank, Ouais. tu as l'habitude de te faire trahir par tes amis. Oh Est-ce que putain. tu apprécies l'évolution de cette rivalité Bayley-Sacha? Mon Dieu. Eh ben écoute, je sais que toi tu détestes les moments émotions, les moments où on parle franc, on parle vrai. J'adore de l'émotion et de la vérité. Deux choses que je déteste le plus. J'ai pas détesté moi cet échange entre Banks et Bayley, mais j'aimerais qu'il amène à autre chose qu'un match pour retrouver leur amitié. Ah Ce qui me ouais. paraît les deux options les plus probables d'après ce Monday Night Raw, c'est soit qu'on les foute carrément dans la Battle Royale, ou alors qu'elles ont un match un contre un. Et que à la fin, finalement, en fait, elles se rendent compte que elles sont Sont amies pas copines en forever, je sais pas. Donc voilà, je ne sais pas. En fait, c'est bizarre parce que les perspectives sont mauvaises, mais j'ai bien aimé quand même l'échange parce que j'ai trouvé au moins que Bayley a plutôt bien raconté l'histoire. C'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé que Bayley était correct au micro. Parce que on pourrait se dire, oui, mais Sacha, elle a déjà, entre guillemets, trahi Bayley plusieurs fois dans des multi-woman match, etc. Mais c'est vrai que ce qu'elle raconte, elle dit bien, à ce moment-là, t'as souri, hein, tu m'as regardé tomber, etc. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant de préciser ça. Donc voilà, mais j'ai peur que au fil des semaines là, ils commencent à enterrer cette histoire dans la Battle Royale, quoi, que ils vont nous mettre ça, et puis peut-être ça sera les deux dernières dans la Battle Royale. Donc voilà, c'est pourquoi ils officialisent, enfin, il faut qu'ils officialisent le match après qu'ils fassent avancer l'histoire. Qui continue, même si elle avance entre guillemets lentement, mais qu'il l'officialise ce foutu match. On veut pas voir. J'ai pas envie de voir Bayley et Sasha Banks dans. Enfin, ça va être sympa, mais j'ai envie de les voir l'une contre l'autre. C'est WrestleMania, quoi. Vous mettez pas vos deux meilleures catcheuses quasiment de Monday Night Raw dans un truc avec. Combien elles sont dans le Battle Royale là? 15? Enfin. J'en sais rien, je m'en fous. Je dirai quand je le verrai. Donc voilà, c'est chiant. Sinon, j'adore toujours Sonya Deville. Elle a foutu à la fin du match un coup de genou particulièrement bien placé. Je kiffe. Bon, je Voilà. vois pas du tout de quoi tu parles. N Tu vois moi, j'en ai tout ça pas dit. m'insupporte. Tout ça m'insupporte, voilà. C'est ringside, Il y a intérêt l'ouverture. qu'on ait un match derrière un payoff où Qu'elles les nous deux montent s'affrontent et leurs l'autre prend couilles, la bordel! retraite. Ça se fout sur la gueule, là. Qu'est-ce que c'est que ces gens avec des émotions et des nuances? Ouais, non, c'est bon, ça fait 6 mois que ça dure, là, leur histoire. Enfin, ça fait quoi? Ça fait un an maintenant, c'est bon, c'est trop tard, ils ont merdé. Hein. Ouais. Allez, on passe à autre chose. Braun Strowman, le monstre parmi les hommes. Oui. Alors, visiblement, il doit être au milieu du ring. Il nous rappelle qu'il a gagné la bataille des tag teams la semaine dernière, hein, la bataille royale. Du coup, il va à WrestleMania, mais on lui impose un partenaire. Et évidemment, lui, il pense qu'il n'a pas besoin de partenaire. Hein. Il pense pouvoir gagner seul. Ouais. Mais il est interrompu par The Bar, les champions, Sheamus, Cesaro. Qui nous donne un cours sur comment devenir une grande tag team. Hein. Donc, il nous explique qu'il faut manger ensemble, s'entraîner ensemble, souffrir ensemble, dormir ensemble. Ça fait rire le public. Sheamus et Cesaro demandent au public de grandir un petit peu. Braun Strowman leur dit de la fermer hein, assez sèchement. Sheamus hausse le ton. Il explique à Strowman que le passage à tabac de Reigns ce soir ne sera rien comparé à ce qu'ils vont lui faire subir à lui et son partenaire, hein, s'il arrive à se trouver un partenaire. Mais Strowman explique à Sheamus qu'il ferait mieux de s'inquiéter de ce qui se passe ce soir, car Strowman a le droit d'affronter un des deux champions, et ce sera Cesaro. Et donc, bah d'ailleurs, ils font mine de monter dans le ring tous les deux, mais Sheamus se retire assez rapidement comme un pleutre. On a droit à un joli match, évidemment, où Cesaro, comme d'habitude, fait un match très propre, tout en puissance, comparé à ce bon vieux Strowman qui, de toute façon, a peu de chances de perdre ce soir. Donc, power slam pour la victoire, hein, évidemment. Il aura séché Sheamus entre-temps, le monstre parmi les hommes. Parce que Sheamus tentait timidement d'interférer dans le match. Victoire donc de Strowman sur Cesaro. On ne sait toujours pas s'il a un acolyte pour WrestleMania. Alors on sait que c'est Alors, sûr qu'il en aura un. on sait qu'apparemment c'est ouais, c'est quasiment Non, certain. c'est sûr de chez sûr en fait, parce que il le dit au début en fait. Il dit vous avez peur de deux choses. Enfin, vous allez avoir, je sais plus, genre un truc. Vous avez peur de deux choses. La première, c'est que je vais avoir un partenaire à WrestleMania, et la deuxième, c'est que j'ai un match contre l'un d'entre vous tout de suite. Donc du coup, c'était sûr. Et puis il y a Kurt Angle qui a aussi sorti sur les réseaux sociaux avant le Monday Nitro. Il a annoncé non, Braun Strowman devra trouver un partenaire pour WrestleMania. Donc c'est sûr qu'il y en a un. Ça c'est sûr. Ok. Bon, toi qui gagne souvent les bagarres à deux contre un, alors est-ce que ça te On va dérange arrêter avec les le moi-qui. Strowman? On va arrêter avec les moi-qui. C'était quoi déjà la vraie question? Voilà, si tu m'écoutais jusqu'au bout, Oui, mais je alors lançais oh, les attaques personnelles. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah, non, mais j'attends juste qu'ils Strowman aient. et sa mamie sur les divisions tactiques. La mamie. Non, mais la mamie. Et bah, j'attends qu'il y ait le partenaire, c'est tout, hein. Il s'est pas passé grand-chose cette semaine, en fait. À part que. Moi, ça m'a fait plutôt marrer, la séquence de Sheamus et Cesaro. J'ai vu un podcast où ils ont trouvé ça homophobique. Hein. Le fait qu'ils fassent une blague sur le fait qu'ils dorment ensemble. Oh, deux mecs qui dorment ensemble. Ça va, on va peut-être pas se frustrer pour n'importe quoi. C'est marrant, quoi. C'est juste. Bref. Donc voilà, non, cette séquence était plutôt drôle. Le match était bon. Hein. C'est d'ailleurs, je crois, le seul vrai bon match de la soirée. Si je calcule Bah ouais, bien, je sais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. c'est Je vais compter pas moi qui ai les notes devant les yeux. Non mais donc les machins, ils sont pas affrontés là. Ah si, il y a eu Bistourage contre moi. Il n'y a pas eu beaucoup de catch hein, ce soir. ouais, non, c'était segment. Donc oui, rien de spécial. Tout va plutôt bien, mais voilà, il y a l'appréhension de savoir qui va être en tag team avec lui. Franchement, il n'y a pas d'autre solution qu'Ilias. Alors mettez Ilias, parce que sinon je vais pas être content. Ouais, Elias, s'il faut mettre quelqu'un, c'est ton Elias. Putain, mais quel blasé. Mais j'aurais bien aimé voir Mouais, Strowman mouais, les meufs, c'est nul. gagner tout seul. Mouais, Ilias, mouais. Ah bah, je suis pas obligé de Mais. m'enthousiasmer pour Non, tout, mais je sais pas, tu pourrais avoir une proposition. hein. De Tu veux quoi? qu'il gagne la ceinture tout Elias? seul? Tu veux Non! qu'il ait les deux ceintures tout seul ou pas? Moi je veux qu'il gagne tout seul, Strowman. Il est suffisamment costaud. Ce serait quelqu'un d'autre, ça m'emmerderait, mais Strowman, ça va, ça fonctionne. Ouais. Mais Je bon, t'as raison, veux ce bien sera qu'on Elias enterre de une toute façon. division seulement si c'est mon chouchou. C'est pas mon chouchou, mais ils l'ont construit comme un monstre indestructible, là, qui retourne. Il retourne des camions, il Ouais, retourne mais. des ambulances, il retourne le décor, et il peut bien défoncer Cesaro et Sheamus tout seul, quoi. Ça me paraît pas impossible. Non. Ouais, mais tout seul, il serait. Je sais pas, moi. Je pense pas que ça peut marcher tout seul. Je pense que ça, il a besoin d'un, justement, il a besoin d'un mec inutile à côté de lui. C'est pas une tag team pour avoir un mec qui va faire vraiment quelque chose. C'est juste pour avoir un mec inutile avec lui. Pour le Bon, prétexte, ça quoi. peut marcher aussi. Ouais. Les deux peuvent marcher. Tant qu'à faire, pour en prendre quelqu'un ou pour en prendre Hilaire, hein, c'est un des meilleurs pour faire rire la foule, etc. Donc, effectivement, hein, je suis d'accord avec toi. J'ai pas de meilleure proposition que ça. Y en a qui balancent James Ellsworth, non, non. Mais non, mais James Ellsworth, Oui, puis en il plus travaille plus à la il est occupé WWE. à choper des ceintures à des fédérations qui n'ont pas d'argent. C'est ça. Et à mon avis, s'ils l'ont viré, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Bah, ils avaient plus rien à faire aussi. Vous n'avez plus rien à faire, mais je pense pas qu'il ait payé très cher. Ouais, non, écoute, trop mal. Cesaro, Sheamus, moi, c'est peut-être que c'est moi qui m'a le plus diverti de l'émission. Une première incursion dans le compound des Hardy. Hein, parce que ce soir, c'est l'Ultimate Deletion. Hein, je ne voulais pas annoncer parce qu'on Donc s'en bat les couilles. C'est c'est pas le segment qui t'a le plus diverti. de quoi, le film Ultimate Non, Deletion? on en parlera après. Ouais, on en parlera après. On nous présente la famille de Matardi, tout ça. Si vous avez regardé la TNA, vous les connaissez, Seigneur Benjamin, sa femme, les deux gosses, tout ça. Revival contre Titus Worldwide. Hein, on Ah. cherchait un match de catch, mais on en a eu un. Ah. Victoire sur Shatter Machine du Revival. Charlie Caruso débarque. The Revival annonce leur participation à la bataille royale André le Géant. Ouais. Donc, toi, tu es un grand fan du Revival, qu'est-ce que tu penses qu'ils Alors, peuvent le truc gagner que la j'avais bataille pas royale? compris au début, c'est que j'ai cru, parce qu'ils ont dit, on sera la première tag team à gagner le André the Giant Memorial Battle. Et là, je me suis dit, merde, cette année, c'est un truc de tag team en fait. Le André the Giant, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas quoi. Et donc, je suis allé vérifier et non. Donc, du coup, j'ai pas du tout compris ce qu'il disait parce que vous pouvez pas gagner tous les deux. Il y en a un qui va gagner, pas les deux. Donc, pas compris. Mais n'empêche que quand ils ont gagné, j'étais sur mon siège et j'ai fait Ouais! Ils Enfin! ont battu Titus Worldwide. Voilà! C'est pas le plus grand exploit du monde, mais c'est une victoire! C'est une victoire! Et bien sûr qu'ils vont pas gagner, le André the Giant. S'ils le disent, c'est qu'ils vont pas gagner. Mais non, mais je suis content. Je suis content, une petite victoire. C'est fou comme. En fait, ils sont pas pushés, mais le nombre de fois où ils ont le micro, c'est dingue, hein? Je sais pas, ils leur filent le micro. Non, bah, ils ont pas totalement abandonné, mais ils ont Assez rien souvent. prévu pour eux, quoi. Ce que j'ai entendu aussi, pareil, réflexion de quelqu'un d'autre, mais bref, c'est que en fait la WWE, il serait à cause de toutes ces blessures, en fait, ils auraient une sorte de période où ils vont pas les pusher pour voir combien de temps ils peuvent durer sans se blesser, pour un peu avoir un filet, enfin pas un filet de sécurité, mais une Enfin bref, ils sont un petit peu dans le sursis pour savoir combien de temps ils peuvent durer avec le rythme WWE. Parce qu'ils sont quand même, voilà, c'est blessure sur blessure. Donc voilà. Mais non, j'étais content de la victoire. Le match, bon, c'était rapido. Mais voilà. Ouais. Content. Le revival attend son heure, en quelque sorte. Oui, bah ça va pas être avant. Je pense que pour qu'il commence à voir un petit peu le titre, ça sera pas avant fin d'année ou l'année prochaine. Thanksgiving. Bon. Voilà. Marc Henry est au Hall of Fame. Voilà. Ça Bon, vous c'est connaissez la bonne Marc nouvelle. Henry. Ouais. Enfin une annonce de Hall of Fame qui est Voilà. Enfin, une bonne nouvelle. Disons que c'est une nouvelle enthousiasmante pour moi parce que pour le coup, Mark Henry, c'était pile. Enfin, l'époque Hall of Pain, c'est pile le moment où j'ai commencé le catch. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mark C'était Henry. un bon champion, hein, à l'époque, Mark Ouais. Henry. Je crois qu'il s'est blessé, c'est pour ça qu'ils lui ont enlevé le titre. Mais Mais. j'avais beaucoup aimé, moi aussi, son règne Hall of Pain, là. C'est ouais c'était un violent hein. C'était il y a eu pas mal de pas mal de moments de destruction avec Mark Henry. Et donc voilà, j'ai pas vu sa période sexuelle chocolate. Hein. J'ai vu des extraits, bon, ça avait l'air un peu potache, donc voilà, ouais, non, je suis content. Puis Je suis surtout content la pour promo lui. avec Sina quand il avait. Et oui, la fameuse promo où je me suis fait totalement avoir. Hein. Je me souviens encore. Je me souviens encore d'avoir vu ce truc. Je fais. Tu sais, genre, t'es comme ça, devant ta télé. Fais Pour quoi? le chapeau. Il Il fait, en crame une fait, en... larme et en fait il le t'énerve. truc qui est dommage, c'est que il a fait cette promo de retraite. Et donc, du coup, à la fin, le soir, le truc avec Sina. Et finalement, après, il s'est pas passé grand-chose. Pour lui, ouais. Ouais. Il a eu sa rivalité avec Sina, puis ça s'est arrêté là, Ouais, mais voilà. elle était déjà, effectivement, elle était à 2 doigts de Mais la de... retraite. Hein, et physiquement, Donc du coup, il avait beaucoup de mal à. ça a toujours laissé une espèce de flou où en fait il avait fait son faux discours de retraite, mais en même temps après peu de temps après on le voyait plus et donc du coup est-ce qu'il est à la retraite ou pas? Maintenant c'est officiel. Mais ouais, non c'est une bonne annonce. La vidéo récap était vachement bien et tout. Ouais, puis c'est un mec qui bosse pas mal dans les coulisses. Voilà, je pense que ce sera un employé WWE à vie. Ouais, non, bien content pour Marc Henry. Même si ça n'a pas beaucoup de valeur, le Hall of Fame, c'est toujours sympa de voir des mecs qui ont vraiment participé à la Ouais. WWE et puis qui sont peut-être un peu sous-estimés quoi, par rapport à leur importance dans les shows. Un futur Hall of Famer, John Cena, veut une réponse. Le silence, l'Undertaker, c'est la grosse erreur de l'Undertaker. C'est irrespectueux pour John Cena, c'est irrespectueux pour le public. Tu n'es pas le dieu qu'ils ont fait de toi, tu es l'homme que tu t'es laissé devenir. C'est un peu terrible. Mais surtout, tu es un lâche. Donc, il utilise un peu la méthode Marty McFly, hein, comme on dit. Fais quelque chose, do something. Voilà, John Cena qui s'énerve au milieu du ring tout seul, mais il ne se passe rien. L'Undertaker ne débarque pas. Enfin, il ne se passe rien, il se passe un truc quand même, une musique retentit, des flammes. C'est Kay, le démon favori du diable. Alors, on suppose qu'il est envoyé par l'Undertaker pour donner une réponse, mais il n'y a pas trop de réponses. John Cena lui demande, c'est oui, c'est non, et là, Kay, il fait le remake de Botchamania de la séquence You Talk Too Much. Hop, étranglement, chokeslam. Chokeslam sur Cena qui n'arrivera pas à esquiver. Hein, il se fait aplatir comme une crêpe. Voilà, pas de respect de l'Undertaker. Kane qui débarque. On aura Kane contre Cena la semaine prochaine, du coup. Ouais. C'est booké. Tu as C'est tout, mieux quoi. qu'à Mania parce qu'à un moment dans les commentaires, il disait, mais est-ce qu'on va avoir Cena contre Kane à Mania? Non! Non! S'il vous plaît. J'ai vu des gens qui pensaient qu'on aurait Kane, Cena, Mania, du coup. Non. Gens qui n'ont toujours pas compris que ce sera Undertaker, Cena. Non mais arrête, oui, voilà. Tu fais pas tout cinéma pendant, ça fait un mois que ça a commencé le cinéma. Faire Kane, Cena, Tu fais, putain. ouais, tu fais pas tout cinéma pour faire Kane contre Cena, Mania. C'est bon. Sinon, vous mettez ça en pré-show. Non, ouais, non. Là, pour le coup, c'était pas une bonne semaine pour Cena. Ah, c'est jamais facile de faire une promo tout seul et de faire une Ouais, rivalité puis tout seul. là, pour le coup, il y avait pas de nouvelle idée. À la limite, s'il avait une nouvelle idée pour cette semaine, je sais pas, pour relancer le truc, ben il avait vraiment pas d'idée. Alors c'était du blabla, mais alors ça ne voulait rien dire. C'était genre, je te respecte, mais t'es quand même un connard de rester chez toi. C'est un peu comment? C'est un peu désespéré en fait. C'est ça le truc que je dirais. Attends, est-ce que t'es toujours là, ringside? Ton écran s'est figé. Est-ce que tu m'entends toujours? Ringside? Problème de connexion. Donc, je vais continuer avec mon avis, tandis que je vais voir si Ring nous entend toujours. Donc, oui, Sina, sa promo, c'était clairement... bon bah J'ai rien à dire, donc du coup, ce que je vais dire, c'est que c'est pas très gentil de pas m'affronter à WrestleMania. Et puis, le public veut que tu reviennes, et moi aussi, je veux que tu reviennes, donc il faut que tu reviennes. Mais en même temps, je suis pas content. Donc voilà, c'était pas ouf, ouf. Tandis que Ringside nous a quittés, je retente la connexion. Attention, nous allons voir si ça marche. Ring feuille. Et bonjour aux gens qui arrivent sur le chat. Donc voilà ce magnifique segment et l'arrivée de Kane. Qui du coup est vraiment du bon gros remplissage. J'imagine que simplement une fois que Cena mettra à terre Kane la semaine prochaine, on aura un signe de l'Undertaker. Je pense pas qu'il va arriver directement, mais il suffira d'un signe, comme disait Jean-Jacques Goldman. Ringside, où es-tu? Que fais-tu? Je ne sais pas, je ne vois plus le. Where is the ring? Where is the ring? The ring is in the kitchen. Alors attendez, je vais tapoter, tabuler 3615 ringside. Je tabule. Donc voilà. Bon, alors, le segment qui suit. On va parler du segment qui suit après John Cena, si le chat veut bien m'aider. Dommage que vous avez manqué le show de Westcatch, nous dit Mélanie. Oui, on n'a pas pu, on pouvait pas y aller, mais bon, on n'a pas un budget illimité, nous, à Catchup, et Westcatch, c'est un peu loin pour nous. Donc, je vais essayer de voir si il n'y a pas un moyen d'avoir Ring seulement au téléphone. Est-ce que Ring nous entend? Ring, ring. Ring tongue. Sinon, je vais juste continuer la récap, hein. Donc. Que je vous dise après John Cena, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce match entre le Balor Club et le Mistourage, il me semble. Donc voilà, le Balor Club hein, qui pour une fois est réuni pour faire face au Mistourage, et puis un match plutôt sympathique où le Balor Club mène bien jusqu'à quelques filouteries, bien entendu, du Mistourage. Et puis, le match qui se termine alors que Balor est un petit peu en mauvaise posture. Balor en mauvaise posture, et donc du coup, qui va être sauvé par Seth Rollins. Désolé si je suis un peu déconcentré parce que je suis en même temps en train d'essayer de rejoindre Monsieur Ringside. Donc voilà, Seth Rollins qui fait le sauvetage à la fin du match pour aider Finn Balor et qui lui dit « Tu m'en dois une ». Donc est-ce que Alors? Finn Balor... Mon Dieu Ringside, merci! Ah. Oh, j'étais en train de mourir de solitude. Donc... Voilà. Faut Voilà, bon, au moins débrancher, on t'a en audio, rebrancher, mon cul, mes couilles. on t'a Alors, pas en vidéo. J'étais en train tu de parler de m'entends? Finn Balor, Finn Balor, le Mistourage, enfin le Balor Club, le Mistourage. Il me semblait que c'était le match d'après, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y avait autre chose? Autre chose que non, à part Matardi qui discute avec une girafe qui s'appelle George Washington. Ouais, voilà. Voilà, pas de respect pour le Miz, j'ai noté dans mes notes. D'accord. J'ai remarqué qu'il a fait rénover sa ceinture. Je sais pas si t'as vu. Qui ça? Le Miz. Ah, le Miz, Elle d'accord, est ok. toute neuve la ceinture. Ok. Alors, ce qui est magnifique, c'est que maintenant on a le bon son. On a le son de ton casque. Donc, déjà, il y a ça. Ouais, Dé ok. déjà, ça, Et ça la fonctionne. caméra, par contre, on me voit pas. Non, non. C'est pas grave, vas-y, continue. Donc, du coup, tu disais. Voilà. Ah, on a un Ah, mais c'est embryon pas de la bonne caméra. caméra. On a un embryon de caméra. Ça peut. Ça peut arriver, voilà. Donc, vas-y, continue. Alors, Mistourage. est-ce que c'est le Miz le méchant dans cette histoire, hein? Ou est-ce que c'est moi le méchant dans cette histoire? Il explique qu'il a demandé, tiens, à Tyler Black et Prince Nevitt. Hein, il utilise les noms de l'Indie, Dévite. de Seth Rollins et Finn Bálor, qui va les renvoyer dans leur bingo hall. Il va devenir le champion au plus long règne, hein, champion intercontinental au plus long règne. Donc, ce soir, donc, le match, c'est le Bálor Club contre le Mistourage. Il y a Seth Rollins qui vient s'incruster aux commentaires. Bizarrement, le match est très disputé. Victoire de Bálor et du Bálor Club par roll-up. Ensuite, il y a un passage à tabac de Finn Bálor par le Mistourage et le club est pas foutu de défendre son chef. Ils se font défoncer la gueule par Bo Dallas et Mr. Perfect Junior Ouais, là. voilà. Et c'est ça que j'avais pas Mais noté, ouais. c'est Seth Rollins qui vient sauver Finn. Et je racontais ça, ouais. C'est ça, on en était là. Ouais. Ok, donc Seth Rollins vient sauver Finn Bálor. Et donc toi, mon bon vieux Hank, hein, qui est un meneur d'hommes. Tu apprécies cet affrontement de factions là Plus, je entre. sais plus quelle est la vérité. Ou le mensonge! donc. J'ai trouvé ça bizarre que le Bálor Club, que Gallows et Anderson étaient par terre comme ça en train de dormir à la fin du match pendant 300 ans. Ouais. Bah, ils essayent de remonter, mais ils se font péter la gueule, hein. Ouais, c'est ça? Ouais, d'accord. Mais donc voilà. J'ai pas trop compris en quoi qu'est-ce qui va se passer. Rollins qui dit tu m'en dois une à Bálor, tu me dois une quoi qu'est-ce qu'il croit qu'il croit que Il croit qu'il va lui offrir la ceinture à Mania? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Non. je ne sais pas. Le match m'a pas marqué plus que ça. Non. Tout le monde s'occupe. Voilà, tout le monde essaie de faire quelque chose C'est en ça. attendant Mania. Il y a un Du gros même fois. problème de personnalité, que ce soit du côté de Finn Bálor ou de Seth Rollins, ça. Oui, non, mais il y C'est avait chaud Rollins quand t'as des mecs au, il y aussi avait, il y avait très Rollins au pacifiques. commentaire, ouais. C'est ça Ouais, que j'ai. bah t'as retenu quelque chose de ce qu'il a raconté? Justement, non. Enfin, j'ai retenu une chose, c'est que en fait, Seth Rollins, il a la Bobby Roode en ce moment. Voilà, il Il a a la le Bobby Roode respect dans le lunette. sang. C'est-à-dire qu'il a du respect à donner à tout le monde. Je respecte, mais je vais quand même gagner la ceinture. C'est pas vraiment comme ça qu'on construit quelqu'un d'intéressant. Le respect, ça n'a jamais fait de bonne, enfin, ça n'a jamais fait de bonne rivalité. Ouais. Non, ça n'a jamais fait de bonne rivalité parce que même entre AJ Styles et Cena, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on commençait à nous parler de respect pendant 2 secondes et puis après Cena il a dit non, mais en fait t'es une grosse merde. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça doit se passer, Voilà. hein. C'est fini le respect. On peut commencer par le respect, puis au bout d'un moment, voilà, il y a la deuxième vitesse. Et là, il n'y a Non, pas vraiment ça de. va être difficile pour eux après Mania avec si peu de personnalité. Il va falloir qu'ils se bougent le cul un petit peu pour nous les Ouais. construire, ces personnages-là, parce que Oui, voilà. c'est triste à mort, hein, cette rivalité. C'est Non, le mais Miz qui fait pourquoi? tout le boulot au final. Oui, voilà, et puis au minimum, bon, après, je comprends que Rollins en babyface, ils savent pas trop quoi en faire, mais Balor, c'est carrément évident que le Balor Club, il est censé être heel, quoi. C'est censé Ouais. être une équipe de heel. Lui, c'est exactement, enfin, je veux dire, j'imagine, c'est la même mécanique qu'il y avait au Japon, c'est-à-dire que c'est le cérébral, enfin pas le cérébral, mais on va dire c'est le petit malin de l'équipe, et il y a les deux, voilà, et deux armoires à glace. Donc tu peux pas faire une équipe comme ça et puis dire je suis gentil et tout ça. Et en plus, le truc c'est que Balor, de temps en temps, même dans les matchs, ses expressions faciales, etc., ça trahit trop qu'il a une nature de heel. Donc voilà, ça c'est. Il n'est pas obligé d'être. Justement, le Miz, c'est un heel, mais c'est un heel d'un certain type. Tu vois, c'est un heel prétentieux, etc. Bah alors, ça peut être juste un heel haineux, quoi. Ouais. Ça peut être un heel différent. Donc, ça aurait pu En marcher plus, aussi, d'ailleurs. il a de quoi être vénère et amer Oui, il y a toute une histoire avec. Bélor, Il y a hein, parce qu'il a toute une histoire avec il a Rollins jamais qui perdu la ceinture, tout est. ça, donc il y a de quoi faire. Et on en parlait, je sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais on parlait de cette séquence d'interview à Miss TV où le Miz est en train de leur filer, mais sur un plateau, la storyline qui devrait suivre. Il leur dit « Ouais, mais alors tu lui en veux pas, que machin, etc. » Et les deux sont là genre « Moi, j'en veux pas de ta bonne storyline, moi, je suis là pour le respect. » Casse-toi moi, avec... Moi, je suis un gentil, je vais te dire. Moi, je suis là pour serrer des pognes. Je suis là pour être sympa. Tu vois, sourire, c'est pas un sourire de façade. Hein. Je suis vraiment heureux. Donc voilà, le Miz. Je sais pas si. Il devait pas faire ça pour taquiner les mecs qui écrivent le scénar en coulisses, mais finalement, c'est quand même un peu ça. C'est genre. Vous voyez le nombre de raisons. Il en a sorti au moins 2-3. Le nombre de raisons pour lesquelles vous pourriez. Ça veut pas dire. Il y a même pas besoin qu'ils soient heal en plus. Ça veut même pas dire qu'ils sont heal. C'est juste. Tu peux avoir de l'aigreur par rapport à quelque chose et construire quelque chose là-dessus. Ça veut pas dire que t'es un méchant ou autre. Les raisons de se combattre sont importantes. Plus importantes que être heal ou face. C'est juste. Est-ce que t'as une raison de te battre? Si c'est juste la ceinture, c'est limite quoi. Parce que ça, c'est pas comme ça que tu fais des grandes rivalités. Si tu fais pas des trucs. Les rivalités mémorables, elles se basent pas sur je veux la ceinture, point barre. Ça ne marche pas. Bah, surtout que Baylor et Rollins, ils devraient plutôt viser le titre universel, pas le titre intercontinental. Donc ça, c'est. Oui, bon, après, ça, c'est aussi un problème. Hein, mais comment ils vont faire avec deux gars qui ont pas de personnalité comme ça quand il va falloir les faire passer au main event? Voilà, bah, ils vont nous dire ils sont regardés, ils sont fadas, ils sont pas assez over, etc. Moi, je etc. pense mais pas en même temps, ils en ont rien fait. Quoi. Je pense pas que Rollins a pas de personnalité, mais je pense qu'il est complaisant dans. Tout comme Roman Reigns, hein. Il est complaisant dans ce qu'il fait. Il suit le schéma qu'on lui donne et comme le public est toujours fan parce que Rollins dans le ring ça reste Rollins hein, c'est un des meilleurs dans le roster du coup le public est toujours dedans donc du coup il a l'impression bah finalement ça marche en fait ce que je fais et il se rend pas compte qu'il pourrait être genre 10 fois plus populaire s'il avait une storyline s'il poussait quelque chose de particulier et qu'il pourrait vraiment rentrer entre guillemets dans l'histoire plutôt qu'être juste ah oui c'était un bon champion point barre donc c'est ça c'est le manque d'ambition mais je pense pas que Rollins a un manque de charisme parce que il nous l'a prouvé quand il était heel moi j'adorais Rollins heel était un connard fini et juste il était magnifique et en plus il a le rire parfait hein, c'est devenu presque un mème son rire hein, sur internet c'est rire dégueulasse. Donc rire de hyène. Rire de hyène. Ouais, voilà, donc un peu feignant hein, tout ça. Bon, pareil que pour le reste, hein, on n'a aucun doute que ce sera un bon match à Mania, mais ça va pas rester comme une rivalité historique, on va dire. Ouais. Alors, après, c'est l'enchaînement des vidéos package. Ronda Rousey, sa vie, son œuvre. À l'UFC, grande championne de l'UFC, hein, vous vous souvenez tout ça, si vous avez suivi l'UFC, si vous ne l'avez pas suivi, vous en souvenez pas, mais ce n'est pas grave, on vous l'explique là. Donc elle explique qu'elle a eu un passage à vide après sa défaite, quand elle a perdu le titre. Elle cite même pas qu'il l'a battue. Hein. Non, bah non. Je crois qu'elle dit juste, ouais, à mon dernier combat, je me suis dit que Dieu m'en voulait. Non, Dieu t'en veut pas, t'as juste perdu deux fois de suite. C'est ça. C'est la règle du jeu. Voilà. Alors pour les intéressés, c'est Holly Holm qui a battu Ronda Rousey la première fois. Voilà. Qui elle s'est fait battre après, non? Une Australienne. Non, enfin. Et après, elle s'est fait battre une deuxième fois par. j'ai plus le nom maintenant. Non, j'ai plus, ouais, j'ai plus le nom. Des c'est une Brésilienne, je crois. Ouais. Mais voilà. Cas, elle avait plus l'œil du tigre. Mais hein. elle s'est fait démonter son dernier match. Hein. C'est genre, il est ridicule son dernier match. Ouais. Ah elle était pas dedans du tout et s'est fait démonter super rapidement. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un athlète washed up, lessivé? Eh ben, on va à la WWE. Et on dit que toute ma vie est menée à WrestleMania. Ça. Bon, elle a été sauvée par son chéri. D'ailleurs, c'est quasiment le même discours que Daniel Bryan à SmackDown. Elle était pas bien et elle a été sauvée par son amoureux, c'est bizarre. Donc là, elles s'entraînent. Comment, hein, ça, comment ça marche les couples, je sais pas. Non mais. Non mais c'est toujours, je sais pas, il y a ça, il y a des trucs en parallèle en ce moment entre SmackDown et Raw. On dirait que c'est partout la même chose. Babyface qui se fait passer à tabac, qui part en civière. Enfin bref. Qui est parti en civière à SmackDown? Moi je te dis pas, je vais pas te spoiler. Ah mais oui, oui d'accord, ok, oui, non, autant pour moi. C'est parce que j'ai pas vu SmackDown, mais j'ai lu beaucoup. T'as vu les highlights. Voilà. Voilà, donc bah, elle s'entraîne, hein, Kurt Angle est content. voilà, il y aura un match à Mania, hein, on vous rappelle qu'elle sera en équipe avec Kurt Angle pour affronter Triple H et Stephanie McMahon. Donc il va lui falloir un entraînement hein, intensif pour battre Stephanie McMahon. Je sais pas, t'as quelque chose à dire là-dessus? Non, mais non, c'était plutôt bien fait. Hein. C'était plutôt. Ouais, toujours les beaux paquets de la WWE. Et le seul truc qui était un peu bon, après c'est du chipotage. Le seul truc qui était pas très babyface, c'est le moment où elle a dit un truc du genre j'ai toujours su que j'étais la meilleure. Et tu fais wow, mollo Ronda, t'es censé être genre gentil, humble. Toujours fait que t'étais la meilleure jusqu'à ce que tu te fasses battre. Bon, donc... en tout cas, plein temps à la WWE pour Ronda aussi, c'est pas plein temps quoi. Hein. C'est... Ouais. C'est pas un full time job quoi. Oui, bah. Mais bon. Non, mais après j'imagine aussi que. Ah mais attends, elle était là dans le public, je sais pas. De quoi? Elle était là au show, mais ils ont pas montré la séquence à la télé. Elle a affronté Dana Brooke. Dana Brooke. Mm-hmm. Dans une séquence incroyable où elle a fait du kung-fu. Je l'ai pas regardé pour l'instant. Mais c'est un beau coup d'œil, tu verras. Il y a une jolie séquence où elle bloque un coup de Dana Brooke et elle reste 5 secondes comme ça. Jedi Master, après exposeur souplesse un peu dangereuse comme ça sur Dana Brooke qui vole à 3 mètres. Il y a encore du boulot. Hein. Elle a pas peur du danger, Dana. Ok. Non, mais peu importe, c'est pas très important. Là, on peut passer à la. Tu veux passer à la suite? Ouais. L'Ultimate Deletion. Ah. On va au compound des Hardy. Donc une séquence vidéo hein, complète façon Total Deletion qu'on avait eu à la TNA Impact Wrestling whatever the fuck you want to call it. Donc Bray Wyatt arrive à la maisonnée des Hardy. Il y a un match qui se fait au milieu des bois hein, dans un ring construit par ce bon Seigneur Benjamin, hein, l'homme de main de Matt Hardy. Donc ça commence à catcher. Il y a l'arbitre qu'on avait vu la semaine dernière hein, qui avait été envoyé par Kurt Angle qui est là. Donc ça catche avec les vestes hein, dans la pénombre. Il y a Vanguard One, le petit boat qui arrive de nulle part pour attaquer Bray Wyatt un petit peu. Il lance les feux d'artifice. Mais ça suffit pas pour vaincre Bray Wyatt. Ils vont aller se foutre un peu sur la gueule un peu plus loin au milieu des tombes designées par Christian Jeff Hardy Lacroix. Christian Lacroix, on fait un petit jeu de cache-cache. C'est toujours très branché série Z. Après on va dans le hangar magique des Hardy. Il y a un deuxième ring dans le hangar. C'est le Deletion Dome. Voilà, Deletion Dome. Alors, il y a une grande séquence où Matt Hardy hésite à utiliser soit son tracteur tondeuse à gazon, soit The Chair of Wheels. Ouais, c'est normalement en anglais ça s'appelle wheelchair, mais lui, voilà. The Chair of Wheels. Fauteuil roulant, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, hein? Vraiment, on ne sait pas. Alors, il va utiliser la tondeuse. Alors, c'est parti, musique. Musique classique, là, chez chevaucher des Valkyries ou je sais pas ce que c'est comme musique pour attaquer Bray Wyatt qui finit par esquiver. Qui est à 2 mètres. Ouais, à 2 mètres. Et comme c'est quand même assez. Et long, la séquence dure 30 secondes. Donc voilà, ça continue à se foutre sur la gueule gaiement. Il y a toujours des petites interactions avec le drone Vanguard One. Mm-hmm. On va aller au lac de la résurrection, là. Il y a le bateau magique aussi de Matardi qui est là. Donc, Pre-Wyatt est à deux doigts de gagner, mais Vanguard One vient le distraire. Il se retourne, Matardi a disparu. Il y a le bateau, on retourne le bateau. C'est le seigneur Benjamin qui est là, qui lui jette un petit globe entre les mains. Hein, et donc on se retrouve avec Bray Wyatt qui tient le monde dans ses mains. Voilà, on sort une petite chanson. Il y a aussi Jeff Hardy qui débarque au milieu d'hallucinations de Bray Wyatt. Et au final, Matardi réussit à placer le Twist of Fate sur Bray Wyatt et à le jeter dans l'étang. Les temps magiques hein, de la résurrection. Seigneur Benjamin va essayer de chercher le cadavre, hein, mais bah, il trouve rien. Donc, on suppose que Bray Wyatt a été dissous dans le lac. Deletion complete. Deletion. Deletion. Et ça se termine comme ça. Voilà, réclamé à corps et à cri depuis des mois, l'ultimate deletion, Broken Matardi. Petite intervention de Jeff Hardy qui a été arrêté par la police là, récemment parce qu'il picolait au volant. Bah, il est quand même là. Voilà, donc bah, je pense que ça t'a plu, toi. C'était delightful! Delightful, wonderful! Non, c'était génial! J'ai adoré parce que c'était exactement. Ils n'ont pas essayé de faire ça mieux. Plus sérieusement ou genre vraiment différemment d'avant. Il y a quelques trucs qui appartiennent à la WWE dans le sens où tu vois qu'il y a des plans, il y a des effets spéciaux qui sont quand même un petit peu plus voilà, ça, il y a un peu plus d'argent quand même dedans, mais n'empêche l'hologramme de Matardi est mieux fait. Ouais, mais n'empêche qu'il y a quand même des plans qui ont aucun raccord, qui sont n'importe, c'est nawak, enfin je veux dire il passe d'un endroit à un autre, des moments le au niveau de la alors ça c'est pour les fans d'études filmiques, la temporalité. La temporalité des trucs. Il y a des moments, c'est n'importe quoi. Genre, l'action, elle se déroule à tel rythme. Et juste après, en fait, t'as l'impression que c'est une minute plus tard. Mais ils sont au même endroit. Enfin, il y a rien. Tout est. En fait, le n'importe quoi est assez contrôlé pour que ce soit fun. Le passage avec les tombes est juste genre, qui a autorisé ça? C'est le truc psychédélique. Où ils font une sorte de mix d'images où ils reproduisent Bray Wyatt et Matardi je sais pas combien de fois à droite à gauche et on n'a pas je crois que je sais pas si t'avais parlé du passage de la où il y a un bâtiment qui rappelle à Bray Wyatt sa maison. Ah oui, il démarque voilà. Il y a sa maison qui est là. Et on a enfin un rappel de cette rivalité de merde avec Randy Orton et du fait que Randy Orton a brûlé une maison. Bien sûr, il y a pas Randy Orton hein, dans le flashback, mais voilà, on a le flashback et en fait, j'ai l'impression que enfin bon, si j'extrapole un peu, mais symboliquement, j'ai l'impression que tout ce combat plus ce flashback de genre Bray Wyatt, un petit peu de toute la carrière finalement, enfin pas la carrière de Bray Wyatt, mais finalement son état d'esprit et ce qui s'est passé durant ces dernières années, j'ai presque l'impression que c'était l'enterrement parfait de Bray Wyatt. Donc c'était genre regarde, t'as vécu toute cette merde. Et maintenant, tu peux reposer en paix. je te balance dans le lac de réincarnation. En plus, le fait que Seigneur Benjamin va donc le pêcher. Ah, je le trouve pas. Bon bah, il est mort. Ah, c'est normal, ça se dissout dans l'eau. Et j'ai trouvé ça ouf que ça soit. Je pensais pas que ce serait le dernier segment du show. Qui termine là-dessus. Ouais. Moi, ce qui m'embête un petit peu, j'aurais préféré qu'il dilue ça dans le show comme il l'avait fait à la TNA à l'époque, des séquences au fur et à mesure où il se serait poursuivi dans les en plusieurs épisodes ouais. Quelque part. Parce que je trouvais que c'était un peu long. C'est vrai que c'était une séquence un peu longue et c'était peut-être un peu voire très risqué de mettre ça à la fin de Raw. Il faut savoir que Michael Cole s'excuse avant de lancer le programme. Il dit excusez-nous pour ça. Hein. Alors ça j'ai pas compris. Franchement j'ai pas compris. Les gars, vous soit vous assumez ou vous assumez pas. Vous pouvez le prendre totalement au quatrième degré en disant vous n'allez pas croire ce que vous allez voir et machin et tout, et puis dire que voilà c'est ultra étrange, etc. Mais faut pas se foutre de notre gueule, parce que Michael Cole, lui, il prend ça au sérieux quand Bray Wyatt est en train de projeter du sperme sur un ring ou des verres. Mais ouais, t'as vu cette séquence. non, mais avec un projecteur, l'image à WrestleMania. Non, pas à WrestleMania, qu'est-ce que je dis ? Attends, c'était à WrestleMania ? Si ? Je ne sais plus. Peut-être. Peut-être. Enfin bref. Si, Bray Wyatt, Randy Orton. À Mania. Il y a des choses que je préfère oublier. Hein. L'an dernier. je vais te les ramener, moi. Du coup. Souviens-toi, Randy Orton qui. Randy Orton qui est complètement perturbé pendant environ une seconde et demie par le fait qu'il y a des verres qui sont projetés sur le ring. Et Michael Cole qui fait « Oh mon Dieu, les mind games !» Tu te fous de notre gueule. Donc ça, c'est des mind games. Mais alors par contre, un truc qui se passe dans le jardin de Matt Hardy en pleine nuit avec un drone, des feux d'artifice et des trucs beaucoup plus bizarres qu'une projection de verre. Ça, par contre, c'est ridicule. Donc, ça m'a franchement gêné qu'ils lancent ça là-dessus, parce que du coup, ça donne pour le grand public, c'est les gens, ils vont faire bon, je vais regarder le début, oh, ça m'a l'air d'être n'importe quoi, un point mort. Ils vont pas être curieux de voir ce qui va y avoir ensuite, parce qu'ils savent, ils ont le préjugé que oui, ça va être débile et machin. Oui, c'est débile, mais. C'est tellement fun. moi, j'ai trouvé ça. Il y a peut-être, je sais plus quel passage qui était un peu long, mais je crois que c'était juste. C'est juste les passages où ils sont en train de se battre à la régulière. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont re-shooté un petit peu le truc, refilmé, remonté pour qu'il y ait vraiment plus de phases de match. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des séquences où tu sens que t'es dans l'Ultimate Deletion, quand ils font la course-poursuite dans le... Enfin, quand ils jouent à cache-cache dans les tombes, quand il y a la séquence avec le tracteur tondeuse, etc. Par contre, les séquences où ils se battent, clairement, c'est un peu plus long que ce qu'on a envie de voir. Ouais. Ça ressemble plus à ce qu'était le combat avec le New Day dans les bois, là, à l'époque, ou la maison hantée, là, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, tu sens qu'il y a plus cette patte-là sur ces séquences-là. Donc, je pense qu'ils n'ont pas assumé le truc jusqu'au bout, qu'ils ont voulu quand même montrer au final un match. Mais ils les ont quand même autorisés à faire beaucoup de choses. Enfin, je veux dire. Derrière, il reste quand même un petit peu la patte de Borash et des Hardy. Ce qui fait que c'est pas totalement raté. Je te dis, je trouve que c'est quand même un peu long. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de suite derrière. Pour moi, c'est pas le succès que ça aurait dû être, parce qu'ils l'ont ils l'ont mal géré, à mon avis. Moi, j'ai pas trouvé. Enfin, tu te rends compte de à quel point ça aurait pu être. Mais c'est genre parce que là, on est quand même super proche de ce qu'ils ont fait avant. Ouais, c'est plus proche de ce qu'ils ont fait avant que ce que je connais, mais. Ouais. Tu te rends compte de à quel point ils auraient pu vraiment saboter le truc. Et là, franchement, je trouve que, à part, ce côté un petit peu plus. Ils ont voulu caser un vrai match là-dedans. Mais à part ce côté-là, quand même, ils les ont autorisés à faire plein de trucs. Après, est-ce que tout était forcément ultra inspiré oui, il y a des séquences peut-être qui sont un poil moins bien, mais je sais pas, j'étais dans l'ambiance. Et puis le problème de toute cette séquence, c'est que les gens qui ont pas vu l'origine de tout ça, peut-être qu'ils vont encore moins apprécié que toi. Parce que il y a énormément, moi, dans tout le clip, il y a la moitié du temps, voire les trois quarts du temps, ce que j'ai adoré, en fait, c'est des trucs que j'ai reconnus, en fait. C'est genre, par exemple, quand ils vont dans son gymnase, enfin dans son petit garage gymnase, c'est le premier endroit, c'est la première séquence de vidéo de comment ça s'appelait à l'époque. Deletion, je sais ouais. Pas. Mais donc voilà, c'est la première séquence en fait, c'est quand ils sont en train de se battre avec le bébé. Ouais. Le bébé, la séquence. C'est le moment, c'est le début du Nawak, c'est le moment où ils balancent le bébé et là. Le plan change et on voit un bébé en plastique. Ouais, tu vois, ça c'est un truc qu'ils pourraient pas faire, hein, jeter de bébé comme les feux d'artifice. Tu vois, ils ont pas pu se battre avec les feux d'artifice. Y a, t'as juste une séquence de feux d'artifice qui explose, qui d'un seul coup il va pas bien, Bray Wyatt. Bon, ça, parce que voilà, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire à la WWE qui pouvaient se permettre chez Impact, mais ou chez à la TNA quoi. Mais et ça annonce une bonne nouvelle, enfin potentiellement pas. Pas forcément une bonne nouvelle, mais ça annonce du nouveau, ne serait-ce que du nouveau pour Bray Wyatt. J'ai peur que ce soit Sister Abigail, moi, mais. Mais t'y crois vraiment ? Je croyais que c'était une blague, moi, quand tu m'as dit ça. Ah non, je crois à fond. Mais parce que je les vois, je sais pas, tu veux qu'il fasse quoi ? Husky Harris ou Non, je pense que le plus probable, en fait, c'est qu'il va être. Il va faire partie d'une faction avec Matt et. Ouais, ça ce serait l'idée. Et Jeff. Ouais, ça je préférais. Il va être Woken. Mais je suis pas très comment dire optimiste pour les semaines qui viennent là. Autant je suis totalement rassuré sur la carte de WrestleMania, je pense que le show va être exceptionnel. Autant pour les semaines qui vont suivre et les deux ou trois semaines qui restent, je suis pas sûr qu'on va avoir des shows de très très bonne qualité. Je suis très inquiet, voilà, notamment de Bray Wyatt. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire parce que ça reste un mec qui sera quand même assez omniprésent, je pense, dans les weekly à venir. Pareil pour revenir sur Rollins et Baylor, si ces deux-là sont censés être aussi des personnes importantes dans les weekly, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, y a pas de personnage qui est construit, donc ça va être un peu difficile de renouveler tout ça si on a que des personnes qui sont fadasses. Surtout qu'à côté t'as Daniel Bryan qui revient et on voit ce que ça fait quand on a du talent à revendre et ce petit truc que malheureusement ils n'ont pas. C'est Main Eventer en puissance là. Voilà. Bon, bah là-dessus, on a fait le tour. Ouais. On a bien enterré tout le monde. Voilà. Je suis désolé. Hein, j'étais... Bon. Si tu es pas enthousiaste, je suis pas feindre l'enthousiasme. Donc, c'est le mot de la fin. Et donc, il va falloir donner ton top, il va falloir donner ton flop et il va falloir donner une note. Alors, mon top, il va à Total Deletion. Hein. Franchement, c'était le meilleur moment du show pour moi. J'ai pissé de rire pendant, on va dire, au moins les trois quarts. Au moins les trois quarts, j'étais genre, ils autorisent ça, etc. Et au fur et à mesure, je me dis, putain, ils les ont autorisés à faire on va dire, allez, 80%, 70% de ce qu'ils avaient fait avant. Donc voilà, c'était un peu, c'était presque du fan service hein, en fait, cette vidéo. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est que ça se termine avec que ils ont pas essayé de le. Alors bon, ils auraient pu essayer de le faire sur plusieurs semaines, etc. Mais que ça se termine directement, là, c'est bon. Bray Wyatt, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il va se passer clairement quelque chose. Et je pense pas qu'on va revoir la maison des Hardy avant une prochaine rivalité avec quelqu'un d'autre, mais j'imagine pas, je vois pas Bray Wyatt continuer là la rivalité. Ça, il va forcément se passer, pourquoi pas disparaître du roster pendant quelques semaines, ou alors revenir en Woken machin. Je sais pas. Après, ça va être compliqué de. Ça va être compliqué. C'est con de se faire effacer juste avant WrestleMania, hein, mais bon. Écoute, si ça peut lui éviter de faire ce qu'il a fait au dernier Mania, ça peut être voilà. Ça peut être que bon, hein. Faut bien sacrifier quelques mois et sacrifier un Mania pour revenir avec un personnage qui est un peu plus excitant. Donc voilà le pire moment du show. Le pire moment du show. Attends, est-ce qu'il y a un truc pire que Cena? Oh non. Oui. Ouais, mais oui, mais toi t'as détesté les filles, tout ça. Il y a Kane. Il y a Kane aussi, ouais. Mais Kane, Cena, Kane. Enfin, c'est un peu c'est la même séquence. Mais oui, non, Cena. Sina, au micro là, ça allait pas vraiment cette semaine, donc voilà, je suis vraiment moyennement convaincu. Enfin, moyennement convaincu. Je trouve que voilà, c'était une semaine vraiment bof, ça serait bien qu'il se bouge un peu. Enfin, pour le coup, je commence à être d'avis du même avis que Sina. C'est bon, Undertaker, il faut que tu te bouges le cul quand même là, parce que comment un ça. Éclair, un truc comme ça, C'est pas petit coup tant de tonnerre. que je doute qu'il va être à Mania, mais c'est qu'on s'ennuie là en weekly. Il est pas là. Bah, la semaine prochaine, c'est un affrontement avec Kane. Voilà. Mais ce que je disais s'occupe tout à l'heure, comme on peut. Quand je crois que t'étais parti à ce moment-là, c'est que j'imagine bien une sorte d'intervention divine du Taker à la fin de Kane Cena, genre bah Cena il bat Kane et à ce moment-là, tu vois, il y a, je sais pas, un truc qui apparaît, connerie. Ouais. Je sais pas, je vois plus quand même le Taker arriver en American Badass. Je vois mal utiliser ses pouvoirs magiques, ces trucs comme ça. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. On sera fixé. Est-ce que tu peux mettre une note à ce show? Ah oui, merde, j'ai pas mis de note. Moi, j'ai plutôt apprécié le show, malgré tout ce qu'on peut dire sur les segments, etc. Après, moi, je suis peut-être aussi un. Je vois, en ce moment, je regarde pas mal de catch, enfin, avec la New Japan et tout ça. Donc, du coup, quand je regarde Raw, limite, maintenant, je suis plus intéressé par. Enfin, s'il y a une majorité de segments, ça m'embête pas tant que ça. Surtout que, en fait, tous les matchs, tous les gens là qui sont en rivalité, on les a quasiment tous vus en match. Déjà. Enfin, sauf Cena. Oui, ça s'imposait pas d'avoir beaucoup Cena de matchs. Taker. Donc, voilà, je trouvais 3. Je suis être gentil, 3,5. Parce que voilà, oui, Total Deletion, c'était. Moi j'ai adoré. Ok. le flop. Qu'est-ce que je vais mettre dans le flop qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé? J'ai beaucoup de choses que j'ai trouvé bof bof. Je vais mettre Roman Reigns, il m'énerve, il faut qu'il fasse sa dégagerie. Il faut qu'il booste son acting. Parce que comme ça il va arriver à rien, ça va être le naufrage complet à WrestleMania, je vous l'annonce. J'ai beaucoup soutenu hein, Roman Reigns, mais là maintenant c'est maintenant ou jamais. S'il y va pas, ce sera jamais pour lui hein, tant pis. Le top je vais donner au tag team Braun Strowman contre les Sheamus et Cesaro. Là j'ai trouvé ça bien sympa moi, ce petit segment. Beaucoup de talent les trois là, c'est vraiment la colonne vertébrale du show, ces trois là avec Elias en plus, mais bon on l'a pas vu cette semaine, mais il est là par l'esprit hein. Et la note, je vais mettre un 2,5, je vais dire que c'est moyen. La dilation ne rattrapera pas la chose. Voilà, bah on arrive au bout. On va sortir du studio dans pas longtemps. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est sur YouTube, on est sur YouTube. iTunes, sur PodCloud, oui. Twitter, je me suis baissé là. Attends, YouTube.com. Non mais, dis-le moi si tu veux que je fasse la promo, je la ferai. YouTube.com/ketchupcdc, Twitter.com/ketchupcdc, Facebook.com/ketchupcdc. N'oubliez pas le méga supplément cette semaine. Hein, Daniel Bryan revient là, Giscard n'en peut plus. Hein, il a des sueurs. Donc là, ça va être de la, ça va être de Abonnez-vous. La. Pour une fois, ça va être de la grosse bombe. Pour une fois, hein. Parce que SmackDown. Ah, c'est bon ce SmackDown, c'est exceptionnel. Non mais oui, le SmackDown est très bon. Ce n'est pas un spoiler, hein, on ne vous raconte pas, mais il est très bon. Next tout seul dimanche 14h? Oui. Next tout seul dimanche 14h, comme d'habitude. Et puis on aura voilà, un teaser qui va arriver pour. Pour Mania, et puis de la couverture pendant Mania, sans vous révéler tout, de la couverture sur plusieurs fédés indés qu'on n'a jamais traités en fait sur Ketchup. Donc voilà, ça va être une grande semaine de travail. Au début voilà. C'était une semaine de vacances, maintenant c'est une grande semaine de travail. Mais un journal de bord quotidien. C'est ça. Et tu m'as dit, Voilà, on compte hein? faire. Mais alors ça, ouais, mais ça, je Des news vais toutes les heures, tu m'as pas dit. tout révéler. Non, non, non, pas toutes les heures, pas toutes les heures. Mais on est censé faire un live à une heure régulière qu'on vous dévoilera plus tard. Voilà, parce que il faut convaincre Des certains interviews de, de catcheurs, tu il m'as dit. faut il faut convaincre certains de ne pas aller voir les crocodiles. Et de rester pour vous public. Non. Donc voilà. Non, les interviews de catcheurs, non, ça Et c'était on en a des interviews de catcheurs. On a le AJ Styles qui a session. interviewé Et le catchophone. oui, ah oui, au téléphone, ça, oui. Non, mais on parlait de face à face. Catchophone. Hein, On a j'aime mieux que rien. trois interviews sur la chaîne. N'oubliez pas Becky Lynch, Elias et AJ Styles avec une question d'un de nos followers sur Twitter. Donc n'hésitez pas. On va faire sûrement d'autres concours de temps en temps comme ça pour vous faire participer. Interaction. Bon allez, Interactivité. Oui, c'est moi interactivité. qui présente, c'est moi qui donne la fin de Bah vas-y. du truc. Voilà. Two Five Live aussi cette semaine en 205 secondes, toujours. Oui. Je le publierai quand je le À une publierai. date indéterminée. Voilà. voilà, bah merci beaucoup, Hank, d'être venu, hein, pour ta patience, hein, Ouais. et ton sens de l'humour. Et bah merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui étaient sur le chat. Merci à vous si vous nous écoutez en replay. On espère que ça vous plaît autant à écouter que nous à le faire. Voilà, puis je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao. À toutes.